lundi 22 octobre, détruire le mur. Une partie des divisions les plus profondes parmi les gens est due à des différences d'origine ethnique, de couleur et de religion. Dans de nombreuses sociétés, les cartes d'identité indiquent l'origine ethnique ou la religion de la personne et ces différences impliquent souvent des privilèges ou des restrictions selon le cas avec lesquels les gens doivent vivre au quotidien. Quand des guerres ou des conflits éclatent, ces marqueurs d'identité et de différence deviennent souvent des catalyseurs de répression et de violence. Dans Éphésiens 2, les versets 11 à 22, Paul indique une meilleure voie pour la communauté chrétienne. En quoi notre unité en Christ affecte-t-elle nos différences ? Qu'est-ce qui a été abattu par la mort de Jésus sur la croix ? Paul invite les Éphésiens à repenser à ce qu'était leur vie avant de recevoir la grâce de Dieu en Christ. Les différences ethniques, culturelles et religieuses avaient créé de l'animosité et des conflits entre les groupes sociaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous sommes tous un peuple avec un Sauveur et Seigneur commun. Nous appartenons tous au peuple de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Éphésiens 2, au verset 13. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur de séparation pour distinguer les parties du temple accessibles uniquement aux Juifs d'origine. Ce mur portait une inscription qui interdisait aux étrangers d'aller plus loin sous peine de mort. C'est une règle que Paul fut accusé de transgresser quand il entra dans le temple après ses voyages missionnaires. Quand Paul fut arrêté, il fut accusé d'avoir introduit dans la partie du temple réservée aux Juifs un Éphésien du nom de Trophime. Dans cette épître, Paul affirme que Christ est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation. En Christ, les croyants sont descendants d'Abraham et ils reçoivent la circoncision du cœur. La circoncision physique que Dieu avait donnée à Abraham renvoyait à la circoncision spirituelle que les croyants recevaient en Christ. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement de la chair, par la circoncision du Christ. Reliez Éphésiens 2, versets 11 à 22. En quoi voyons-nous dans notre propre Église la réalité de ce que Paul a écrit ici ? Quel défi demeure !